Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais dire à quelqu'un, tu vis des blocages dans ta vie parce que tu as des problèmes avec tes parents. Avant la fin de cette année, humilie-toi, réconcilie-toi, parce que notre Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin, nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 55. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons le psaume 55. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit les tours sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elles, et la fraude et la tromperie ne quittent pas ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que je me confie. Amen. Il y a quatre vérités que je voudrais partager avec vous à partir de ce psaume. Voici la première vérité. Face à l'oppression des méchants, adressons nos supplications à Dieu dans la prière. Quand on parle de prière de supplication, c'est une prière où tu implores les secours divins, où tu insistes pour demander à Dieu d'intervenir. Voici quelques caractéristiques d'un homme qui est opprimé. Il erre ça et là dans son chagrin et il est agité. Au verset 3, je parle à quelqu'un, tu es agité, tu n'arrives même pas à dormir la nuit, tu as besoin du Seigneur. La voix de l'ennemi et l'oppression les menacent, comme dit David au verset 4. Il vit dans le malheur à cause de ses ennemis. Il est poursuivi avec colère par ses ennemis, verset 4. Son cœur tremble au-dedans de lui, verset 5. Il vit sous les terreurs de la mort. Il est assailli par la crainte et l'épouvante. Il est enveloppé de frissons. Ça, ce sont les caractéristiques d'une personne qui vit dans l'oppression. Face à cette situation, David s'adresse à Dieu en lui demandant de prêter attention à ses prières et ses supplications. Ceci nous fait penser à l'humiliation qu'a connue David lorsque son fils Absalom s'est allié à Achitophel, un conseiller proche de David, pour le renverser. David fut tellement attristé et confus qu'il marcha les pieds nus et la tête voilée. Vous pouvez le vérifier dans 2 Samuel 15, 30 à 31. Paul disait aux Philippiens qu'en toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Deuxième vérité, faisons attention à l'illusion de la fuite. Cherchons refuge auprès du Seigneur. Lorsque nous vivons des moments difficiles où nous nous sentons trahis, nous pouvons être tentés comme David de fuir loin de vivre dans la solitude. David dit ceci, « Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. » Versets 7 à 8. Mon ami, peut-être que c'est ton cas. Tu dis, tu en as marre. Tu vis dans une famille où personne ne t'aime. Tu dis, tu en as marre. Tu cherches même à fuir, à quitter le pays, à aller en Europe, à quitter peut-être aux États-Unis, à quitter le village. Parce que tu dis, il y a trop de sorcellerie. Mon ami, parfois la fuite n'est pas toujours la solution. Parce que David disait, si j'avais les ailes comme la colombe, je m'en irais plus loin. Tu peux chercher parce que tu es déçu, tu veux rester loin, tu ne veux même plus côtoyer les gens. Fais attention avec la solitude. Quand nous voyons l'histoire d'Élie, nous voyons que lorsque le prophète Élie fuyait la reine Jézabel, il s'est enfui dans le désert. Et dans sa dépression et sa solitude, il demanda à Dieu la mort. L'esprit de solitude gagne plusieurs personnes au point où elles cherchent à vivre seules. Certains Africains cherchent à aller en Europe, loin de leur famille, loin de leurs parents, pour fuir la sorcellerie. D'autres ont été déçus dans le mariage, de sorte qu'ils pensent aller dans un pays lointain pour refaire leur vie. Voici certains éléments qui poussaient David à fuir loin dans le désert. Il dit, la violence et les querelles étaient dans la ville. Il voyait l'iniquité et la malice. Il voyait la méchanceté, la fraude, la tromperie. Mais ce n'est pas la solution. Je vais dire à quelqu'un, fuir n'est pas toujours la solution. Je vais parler à une sœur. Tu vis des combats dans ton entreprise. C'est parce que tes ennemis, ils convoitent ton poste. Ils te mettent mal à l'aise pour que tu puisses démissionner. Ce n'est pas encore le temps de démissionner parce que Dieu veut faire de grandes choses à travers ta vie dans cette entreprise. Il t'a dit tout lieu que foulera l'emplant de ton pied, il te l'a donné. Il ne faut pas fuir. Le Seigneur est avec toi. Troisième vérité. Il peut arriver que nos proches nous trahissent, mais crions à Dieu et il nous sauvera. Nous vivons dans un monde de déception, un monde de trahison. David parle de son confident, de son ami qui se leva contre lui et non son adversaire, au verset 14. C'était celui avec qui il partageait son intimité, celui avec qui il allait à la maison de Dieu. Mais il dit au verset 17, « Et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. » Ceci nous fait penser à Achitophel, son conseiller, son proche, un homme de confiance, mais qu'il avait trahi. Lorsqu'on consultait Achitophel, c'était comme si on consultait Dieu lui-même, selon 2 Samuel 16, 23. Mais cet homme a rejoint Absalom, le fils rebelle de David, pour tenter de prendre le pouvoir et renverser son père. Lorsque David a appris la nouvelle, il cria à Dieu et demanda d'anéantir les conseils d'Achitophel. Dieu l'exauça et suscita un certain Hushaï, l'Archien, qui travailla aux côtés d'Absalom comme un espion de David chargé d'anéantir les conseils d'Achitophel. Cette stratégie porta des fruits, car Achitophel s'étrangla lui-même lorsqu'il remarqua que ses conseils ne furent pas suivis par Absalom. Car ce dernier suivit les conseils de Hushaï, selon 2 Samuel 17, 23. Dans certaines situations, nous avons besoin de stratégies ou des dispositions pratiques pour expérimenter l'action divine. Jésus fut aussi trahi par Judas, qui le livra à ses ennemis. Mais il s'est confié à son Père dans la prière, en poussant des grands cris et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et sa prière fut exaucée à cause de sa piété, nous dit Hébreux 5, verset 7. Quatrième vérité, Dieu s'occupe de nos ennemis, recommandons-lui notre sort. David est conscient que celui à qui il adresse sa prière est celui qui de toute éternité est assis sur son trône, selon le verset 20. Il a pleinement confiance en lui et il espère qu'il entendra sa prière et humiliera ses ennemis, selon le verset 19. Il énumère quelques caractéristiques de ses ennemis. Il dit, il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu, verset 20. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec eux. C'est-à-dire, ils sont des gens qui sont ingrats. Ne sois pas étonné de voir que les gens que tu as aidés, ce sont ceux qui se retournent contre toi. Ils violent l'alliance divine. Ce sont des personnes qui désobéissent consciemment à la parole de Dieu. Nos églises sont remplies de telles personnes qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Autre caractéristique, ils sont caractérisés par l'hypocrisie. Ils peuvent avoir des paroles douces, mais la guerre est dans leur cœur. David dit, ses paroles sont douces, onctueuses, mais la guerre est dans son cœur. Méfie-toi des gens qui te félicitent toujours. Tu ne sais pas, il y a la guerre dans son cœur, dans leur cœur. Ils sont souvent hypocrites. Mais David conclut ce psaume par cette leçon qu'il a pu tirer. L'essentiel de remettre notre sort à l'Éternel, car il nous soutiendra et jugera lui-même nos ennemis. Versets 23 à 24. Que le nom du Seigneur soit béni. Glorifions le Seigneur. Chantons ces cantiques. Les mains dans le nom du Seigneur. Oh, oh. Alléluia. Il est digne de louange, notre Père. Il est digne de louange, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est digne de louange, le Saint-Esprit. Élevons nos voix, bénissons-le. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous pouvez télécharger notre application Vox M et vous tapez Radio Fréquence Vie et vous pouvez écouter en direct la Radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngombi. Voici le sujet de prière que nous vous proposons. Crions à Dieu et adressons-lui nos supplications pendant que nous vivons des moments de chagrin, des moments d'humiliation. Que toute personne qui vit des moments d'humiliation, de chagrin, crie au Seigneur. Crie au Seigneur si tel est ton cas. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, nous te demandons au Père éternel de recevoir notre prière de reconnaissance, de recevoir notre prière d'action. Nous crions à toi ce matin parce que nous sommes harcelés de toutes parts. Nous crions à toi ce matin et nous demandons au Père éternel, incline ton oreille vers nous et écoute nos cris. Rapproche-toi. Tends la main et délivre-nous des filets de l'oiseleur. Délivre-nous de la main des méchants qui nous harcèlent chaque jour. Nous sommes combattus de toutes parts. Nous sommes harcelés de toutes parts. Mais nous avons mis notre foi, nous avons mis notre confiance en l'Éternel. La Bible déclare dans la 20e division des Psaumes, ceux-ci se confient en leurs chars, ceux-là se confient en leurs chevaux. Mais nous, nous nous confions en l'Éternel. Eux, ils plient, ils tombent, mais nous, nous tenons ferme. Nous savons, ô Père éternel, que nous tiendrons ferme devant ces harcèlements. Nous tiendrons ferme devant ces complots. Nous avons la victoire. Tu nous donnes la main supérieure. Ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Ils sont affermis chaque jour. Merci, Père éternel, pour cette force que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la sécurité que tu nous donnes. Nous avons la victoire et nous marchons avec la hardiesse du lion parce que Jésus-Christ est notre sauveur et notre Seigneur personnel. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fortifie notre foi lorsque nous sommes victimes des trahisons de nos proches et pour qu'il anéantisse leur complot contre nous. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Alléluia. Nous sommes dans la joie et nous sommes encore émerveillés, Père Céleste, pour tout ce que tu as fait pour nous encore en cette si merveilleuse journée pleine de grâce, pleine de bonté, pleine de bénédiction. Merci pour tes promesses que nous sommes en train d'examiner et d'égrener encore en ce jour. Parce que tu nous permets de voir, de nous mouvoir, de prier, de chanter, de nous lever. Merci parce qu'autour de nous, nous voyons nos proches et nous sommes heureux. Quand nous nous souvenons et nous nous rappelons de ce que tu as fait hier et pour ce que tout au long de l'année et surtout le combat que tu mènes pour nous, nous sommes là pour te dire infiniment merci. Seigneur, par notre bonne foi, nous avons agi, nous avons aidé, nous avons donné des vêtements, nous avons donné de l'argent, nous avons conseillé, nous avons permis à des gens d'avoir du travail, d'avoir une élévation, une bénédiction. Nous les avons accompagnés spirituellement, mais aujourd'hui, ces hommes méchants se sont levés. Ces mêmes personnes que nous avons été des auteurs de bénédiction pour elles se sont levées contre nous. Méditent des complots contre nous. Méditent des projets macabres contre nous. Elles veulent nous voir dans la défaite. Elles veulent nous voir dans la honte. Mais Père, gloire te soit rendue parce que ta parole dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Béni sois-tu parce que tu as dit de donner. Que celui qui donne reçoit. Papa, nous bénissons ton nom parce que leurs œuvres sont sans effet. Ton sang nous couvre et nous avons la victoire. Sur elle, nous avons la victoire. Sur les méchants, les ennemis. En cette saison encore, merci de nous aider à avancer avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour recommander notre sort à l'Éternel, c'est-à-dire le blocage dans nos finances, blocage dans les mariages, blocage dans nos projets, blocage de nos études, blocage de voyage. Nous allons prier, nous allons recommander tout ce blocage entre les mains du Seigneur et proclamons avec assurance que Dieu nous soutiendra au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu es notre Dieu, nous te cherchons. Notre âme a soif de toi, notre corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi nous t'avons contemplé dans le sanctuaire pour voir ta gloire, pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ce matin, nous nous tournons vers toi et nous prions en criant à toi. Viens à notre secours, ô Père éternel. Viens à notre aide et délivre-nous de la souffrance. Délivre-nous des liens de la souffrance au nom puissant de Jésus-Christ. Les défis que nous traversons, les défis sur le plan relationnel, les défis financiers, des défis sur le plan éducatif, à tous les niveaux, viens à notre aide, viens à notre secours, ô Père éternel. Nous avons mis notre foi en toi. Nous avons mis notre espérance en toi. Et tu déclares dans ta parole que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous avons les regards tournés vers toi, ô Père éternel. Délivre-nous de la honte. Délivre-nous de la souffrance. Délivre-nous de l'esprit de procrastination dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci parce que nous avons mis notre foi, nous avons mis notre assurance en toi et nous savons que tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, tu es le Dieu qui ne déçoit pas ses enfants. Nous te disons à l'avance merci pour toutes les grâces et pour toutes les bénédictions multipliées. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain.